Chapitre 118. La recommandation de porter la tunique, le qamis. 789. Selon Salamah, radiyallahu anha, le vêtement que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, préférait, était la tunique, le qamis. Abu Daoud et At-Tirmidhi a dit, hadith Hassan.